que 100 gros canons veillent nuit et jour, mèche allumée, sous nos fenêtres, et malheur à la mort, si elle ose s'approcher de nous. Pour complaire à l'enfant royal, la reine fait un signe. Sur l'heure, on entend les gros canons qui roulent dans la cour, et 40 grands lansquenets, la pertuisane au poing, viennent se ranger autour de la chambre. Ce sont de vieux soudards à moustaches grises. Le petit dauphin bat des mains en les voyant. Il en reconnaît un, il appelle « Lorrain ! Lorrain !» Le soudard fait un pas vers le lit. « Je t'aime bien, mon vieux Lorrain. Fais voir un peu ton grand sabre. Si la mort veut me prendre, il faudra la tuer, n'est-ce pas ?» Lorrain répond « Oui, monseigneur. » Et il a deux grosses larmes qui coulent sur ses joues tannées. À ce moment, l'aumônier s'approche du petit dauphin et lui parle longtemps à voix basse en lui montrant un crucifix. Le petit dauphin l'écoute d'un air fort étonné, puis tout à coup l'interrompt. « Je comprends bien ce que vous me dites, monsieur l'abbé, mais enfin, est-ce que mon petit ami Beppo ne pourrait pas mourir à ma place en lui donnant beaucoup d'argent ?» L'aumônier continue à lui parler à voix basse, et le petit dauphin a l'air de plus en plus étonné. Quand l'aumônier a fini, le petit dauphin reprend avec un gros soupir. « Tout ce que vous me dites là est bien triste, monsieur l'abbé. Mais une chose me console, c'est que là-haut, dans le paradis des étoiles, je vais être encore le dauphin. Je sais que le bon Dieu est mon cousin et ne peut pas manquer de me traiter selon mon rang. » Puis il ajoute en se tournant vers sa mère, « Qu'on m'apporte mes plus beaux habits, mon pourpoint d'hermine blanche et mes escarpins de velours. Je veux me faire brave pour les anges et entrer au paradis en costume de dauphin. » Une troisième fois, l'aumônier se penche vers le petit dauphin et lui parle longuement à voix basse. Au milieu de son discours, l'enfant royal l'interrompt avec colère. « Mais alors, crie-t-il, d'être dauphin, ce n'est rien du tout !» Et sans vouloir plus rien entendre, le petit dauphin se tourne vers la muraille et il pleure amèrement. François Perrier, vous avez choisi de lire quelques lettres de Mon Moulin, d'Alphonse Daudet, quand je vous ai demandé quel était le livre de votre enfance. Ce n'est pas le seul livre de mon enfance, mais effectivement, dans ma mémoire, c'est certainement une des choses qui m'est restée. Mais chose curieuse, ça n'est pas tellement le souvenir d'une lecture, mais d'une lecture en lisant à haute voix. Et c'est vous qui lisiez ou... Et c'est moi qui lisais. Oui, c'était des circonstances un peu particulières. Ma mère, non seulement avait la charge de 3 enfants, mais en plus tenait une boutique et avait donc énormément de besogne. Et quand je rentrais de l'école, je faisais mes devoirs sous sa surveillance, mais elle ne pouvait pas y attacher beaucoup d'importance, elle me surveillait beaucoup. Et puis, de temps en temps, quand je lui parlais d'un texte que j'avais entendu, elle me disait « Ah ben, peux-tu me le lire ?» Et ce sont des lectures que j'ai faites à ma mère, selon mes goûts. Et je devais avoir, je sortais enfin vraiment de l'enfance et je commençais à savoir à peu près lire. Je me souviens, ma mère aimait beaucoup Daudet et personnellement j'y prenais aussi un très grand plaisir. J'étais très sensible à une curieuse façon de s'exprimer, à la sensibilité de Daudet, à l'espèce de tendresse qui flotte sur lui et que je ne crois pas qu'on doit confondre avec de la sensiblerie. Ce sont des textes que je n'ai jamais lus ou relus sans être ému. J'aimais trouver dans un livre des émotions que je ne ressentais pas dans la vie, puisque j'avais une destinée parfaitement heureuse, enfin, avec simplement des soucis de mon âge, mais qui étaient sans gravité. Je n'ai pas eu de grands drames dans ma vie, dans ma vie de petit garçon, et au fond, je recherchais l'émotion et la tendresse à travers les auteurs. Est-ce que vous vous souveniez des lieux où vous lisiez ?